Pas de celle qui rapporte, tu es mise à la porte. Tu ne sortiras pas intact de la mise en contact. Faut que je me sauvegarde après la mise en garde. Sifflant avec entrain pour la mise en train, quelques mises au point sur ton nom bon point. Dis pourquoi tu m'emboîtes après la mise en boîte. Oh, sapiens, sapiens de tout poil, bipède, je me passe de ce qui t'obsède. Boum, boum, boum. Misogyne, c'est inclus, serait-il miscible? Misandre, c'est exclu, serait-elle miscible? Boum, boum, boum. Misanthropie, misanthropie, misanthropie. Sur le bel esprit, y a de la mise à prix. Tu seras furibonde après la mise en onde. Passe-moi le tournevis pour la remise en service. Faut trouver l'évidence après la mise en transe. Pour la mise en scène, tu trouves ça obscène. Faut-il que je déplie toute la mise en pli? Homo sapiens, sapiens de tout poil, bipède, je me passe ce qui t'obsède. Boum, boum, boum. Misogyne, c'est inclus, serait-il miscible? Misandre, c'est exclu, serait-elle miscible? Boum, boum, boum, boum. Misanthropie, misanthropie, misanthropie. Boum, boum. T'oublies l'estropié pour la mise à pied. Éclipsons le missile de la mise en bacille. Je boum, boum, boum. Je crie, c'est le feu à la mise à feu. Boum, boum. Homo sapiens, sapiens de tout poil, bipède, je me passe ce qui t'obsède. Poum, poum. Misogyne, c'est inclus, serait-il miscible? Misandre, c'est exclu, serait-elle miscible? Poum, poum, poum. Misanthropie, misanthropie, misanthropie. Misanthropie.